Bienvenue à cette édition, chers auditeurs et auditrices de la radio Isanganiro. À la une de l'actualité, hausse du prix du carburant à partir de ce vendredi. Le ministère ayant l'énergie dans ses attributions annonce entre autres que le litre d'essence passe de 3 250 francs bout le litre à 3 985 francs bout le litre à la pompe. Les coupures d'électricité vont cesser avec le 27 de ce mois de juillet, propos du porte-parole du ministère de l'Énergie, après que quelques citadins de la zone Bwiza, à mairie de Bujumbura, se soient plaints des coupures intempestives qui leur causent d'énormes pertes. Deux personnes arrêtées à Kabere, en commune Musigati, province Bubanza. Selon les sources administratives et policières, ils sont détenus pour être protégés contre la colère populaire car accusés de sorcellerie. Odin Daichimie à la présentation, Albert Douayo assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais tantôt, le gouvernement burundais vient de revoir à la hausse le prix des produits pétroliers. Ainsi, l'essence super s'achète à 3985 francs bout le litre, alors qu'il était à 3250 francs bout en mairie de Bujumbura. Le gazoil passe à 3795 francs bout, alors qu'il s'achetait à 3450 francs burundais le litre, tandis que le pétrole s'achète à 3730 francs burundais, alors qu'il s'achetait à 3150 francs burundais le litre, selon la structure des prix sortis ce vendredi, le 21 juillet, par le ministère ayant l'énergie dans ses attributions. La dernière hausse des prix datée de mai 2022. À la page sécurité, deux personnes de Kabele, en commune Musigati, province Bubanza, sont au commissariat communal de police depuis ce mercredi. Leurs maisons ont été incendiées et détruites dans la nuit de mercredi, accusées de sorcellerie selon les témoins sur place. Les sources administratives et policières précisent que ces deux hommes ne sont pas au cachot, mais plutôt détenus pour être protégés contre la colère populaire. L'administrateur de cette commune explique que c'est le même scénario sur la colline Lugeyo où il tenait une réunion de pacification ce dimanche. Spes Caritas, Kabanyan. L'un de ces deux hommes qui sont au commissariat communal de Musigati a été attrapé par la population au cimetière de Busesambi sur la colline de Michi ce mercredi. Et tout le monde se demandait ce qu'il faisait seul sur une tombe de quelqu'un. L'autre a été attrapé chez lui à Kabele et sont tous accusés de sorcellerie. Au moment où les habitants de cette colline de Kabele voulaient les lyncher, la police est vite intervenue et les a conduits au commissariat communal de police où ils sont gardés jusqu'à présent. Au niveau de l'administration, on explique qu'il y avait aussi une troisième personne. Une femme, mais comme elle était malade, elle a été relâchée. L'administrateur de la commune Musigati explique que ces deux hommes ne sont pas détenus au commissariat, mais plutôt protégés car la population voulait leur faire du mal. Joachim Doumoukama, administrateur de Musigati, fait également savoir que les familles de ces victimes sont hébergées pour le moment chez leurs parentés car leurs maisons ont été incendiées dans la nuit de mercredi même par des malfaiteurs non identifiés et que les enquêtes soient en cours pour qu'ils soient reconnus et traduits en justice. L'administrateur de Musigati dit également que sur la colline Rukeyo aussi, deux hommes qui avaient été chassés, accusés de sorcellerie, ont regagné leur ménage ce dimanche. Il met en garde ceux qui veulent se faire justice et qu'un suspect ne devrait pas être sanctionné par la population, mais plutôt remis aux instances habilitées. Spes Caritas Kabanyana, à Musigati pour la radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Il s'observe des coupures intempestives dans certains quartiers de la capitale économique Bujumbura, en zone Bwiza. Les citadins et surtout ceux exerçant des métiers exigeants, le courant s'indigne que leurs activités ne cessent d'être perturbées. Ainsi, la cafétéria enregistre des pertes énormes et de demander à la régie des eaux de se pencher sur la question. Ici à Bwiza, le courage se coupe tout le temps. Nos activités s'arrêtent. Ici, c'est un salon de coiffure. Tout demande de l'électricité. S'il n'y en a pas, tout s'arrête. À Bwiza, on peut avoir du courant durant 5 heures et puis il part. Ainsi, nous restons assis pendant la journée. Et on n'a pas d'argent pour notre quotidien. Hier, le courant s'est coupé de 15h à 1h et quelques. On était déjà au lit. C'est vraiment une perte énorme. Nous sommes venus à Bujumbura pour chercher du travail. On a des familles à l'intérieur du pays. Si on passe beaucoup de temps sans travailler, c'est une perte. Autre chose, les versements chez nos patrons sont très peu. Moi, j'ai un débit de boisson. Ça nous cause des problèmes à la cuisine. Il devient difficile de conserver le poisson et la viande. Si le courant part la nuit et que ça le revient le matin, il n'y a plus de travail chez moi. Le fait que le courant part brusquement, nos appareils sont endommagés. La vie quotidienne de la population dépend vraiment du courant. Même s'il faut charger le téléphone, ces coupures touchent tout le monde, la vie et le business. Il y a des pertes. Hier, le courant est parti à 15h et est revenu à 2h du matin. Nos clients sont venus chercher du lait le matin. Ils sont repartis. Deux bidons ont été versés. C'est une perte. Par jour, on peut vendre 15 litres à 20 et plus, mais avec cette coupure, ça ne va pas. Nous vous demandons de porter notre voix plus loin. Le courant est important dans la vie. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution. Nous avons dit des zones irave. Si vous êtes en train de faire des choses, contacté pour éclaircissement, Léonidas Sindaïgaya, porte-parole du ministère ayant l'énergie dont ses attributions indiquent que ces coupures sont dues aux connexions de Rusumo Falls qui donnera 26,7 MW dans le circuit de la régie des eaux. Il rassure qu'au plus tard, le 27 de ce mois, ces problèmes ne se poseront plus. Plus de 300 millions de francs burundais, c'est la dette due par plus de 300 ex-étudiants à l'université d'Ngozi. Une somme reçue sous forme de crédit étudiant, selon Liber Ndaisenga, directeur administratif et financier à cette université. Ces étudiants ont signé un contrat de remboursement aussitôt embauché, mais plus d'un ont fait la sourde oreille, alors que, toujours selon ce directeur administratif et financier, bon nombre d'entre eux occupent d'importants de fonctions dans ce pays. L'université d'Ngozi déclare en outre qu'elle compte porter plainte contre les récalcitrants. Suivez à ce propos Apollinaire Mozagara. Comme l'indique le directeur administratif et financier de l'université d'Ngozi, bon nombre d'étudiants, surtout ceux des premières promotions, ont contracté des crédits études. Ils ont signé un contrat dans lequel ils acceptaient le remboursement de la somme due aussitôt après avoir eu du travail rémunéré. Mais, déplore le DAF Liber Ndaisenga, 65% de ces derniers, après 25 ans d'existence de cette université, n'ont pas encore honoré leurs engagements. Au nombre de 345 ex-étudiants, ils doivent à cette institution plus de 380 millions de francs. Parmi les récalcitrants figurent ceux qui perçoivent d'importants salaires, voire selon toujours la direction de cette institution, des cadres zéro cadre de ce pays. Le remboursement de ce dû permettra de venir en aide aux jeunes vulnérables, principalement des batois éphémères qui, faute de moyens, ne fréquentent pas l'université, annonce son directeur en charge des finances, d'où cette institution envisage des procédures judiciaires à ceux qui continuent à afficher une certaine réticence. Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. Plus de 6000 sociétés ont été enregistrées par l'Agence de développement du Burundi au cours de l'exercice 2022-2023, avec une projection de création de plus de 31 000 emplois. Didas Ngendakumana, directeur général de cette agence, l'a annoncé lors d'un café de presse ce vendredi. Il ajoute que 42 sociétés ont été exonérées au cours de cette période. Ce directeur général appelle les investisseurs à amener davantage leur capitaux au Burundi. Didas Ngendakumana. Au cours de l'exercice 2022 et 2023, il y a eu enregistrement de 6324 entreprises créés ou enregistrés avec une projection d'emploi de plus de 31 000 emplois projetés. La croissance, comme vous l'avez suivi vous-même, avoisine 30% de croissance parce que au cours de l'exercice 2021-2022, il y avait eu un enregistrement de plus de 4 900 entreprises avec projection d'emploi de plus de 18 000. Donc, il y a eu une croissance d'à peu près 30%. Il y a eu les investissements certifiés de 42 projets. Et parmi les 42, 37 sont présentés par les investisseurs burundais et 5 sont présentés par des investisseurs étrangers. Le capital déclaré par ces 37 projets certifiés, donc détenus par les investisseurs burundais, avoisine 600 milliards de francs burundais, alors que le capital déclaré par ces investisseurs étrangers dans ces 6 mois avoisine 113 milliards, soit une proportion de 84% détenue par les Burundais. J'ai déjà donné les chiffres des exonérations accordées au niveau de la DB. Vous-même, vous remarquez que toutes les exonérations ne sont pas octroyées au niveau de l'Agence de développement du Burundi. C'est pourquoi ce chiffre que nous communiquons n'est pas du tout exorbitant, comme vous le dites. Plutôt, nous accueillons seulement des investisseurs qui remplissent les conditions telles que décrites par le Code des investissements burundais. Les autres exonérations ne sont pas octroyées à la DP. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'enregistrement des terres a fait baisser le nombre des conflits fonciers sur 5 collines de la commune Mugamba en province de Bururi, où la Commission nationale foncière en compagnie du programme des Nations Unies pour le développement a contribué pour la certification foncière. Lors d'une descente sur les réalisations semestrielles du PNUD et ses partenaires, Jean de Dieu Ndayishimiye, président du tribunal de résidence de Mugamba, affirme que moins de 5 personnes saisissent ce tribunal aujourd'hui, alors qu'ils étaient dépassés par les cas de litige avant ces activités de certification. Les détails avec Omer Ndouaye. Le choix de la commune Mugamba est lié à l'existence des conflits fonciers répétitifs qui perturbent les activités de l'administration, explique Jean Bosco Sinda Igaya, secrétaire permanent de cette commune, qui trouve que la certification foncière est venue à un moment opportun. Auparavant, au chef-lieu de la commune, nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent faire plainte à rapport avec le dépassement des limites de les parcelles, mais avec l'opération de groupe de connaissances, ces litiges ont fortement diminué. Les familles dont ces conflits ont été réglés se disent satisfaites. La plus-value de ce certificat foncier est que le propriétaire se facile de l'appropriation de la terre ou parcelle. Ça intervient également lors de la demande d'un crédit dans la banque. Satisfaction également des instances judiciaires qui reçoivent aujourd'hui des plaintes limitées des conflits fonciers. Avant la certification foncière, le tribunal de résidence recevait plus de 20 plaintes chaque mois, mais avec l'arrivée de la certification, seules 4 plaintes peuvent être enregistrées, précise Jean Dodien Ndayishimiye, président de ce tribunal. En tenant compte du volume des affaires qu'on recevait avant, ça diminue. Donc auparavant, on recevait de 20 à 30, même plus, mais maintenant on reçoit 4, 5, donc ça varie. On calcule ça par mois. Selon Damien Machumi, secrétaire permanent de la Commission nationale foncière, 3600 certificats fonciers ont été fournis aux propriétaires des terres dans ce semestre marquant le début de la certification foncière en commune Mugamba. Le Burundi abritera au mois d'août prochain le premier sommet des villes et des gouvernements locaux d'Afrique de l'Est. L'annonce est du ministre de l'Intérieur ce vendredi. Martin Niteletse informe en outre que l'objectif principal est de fournir une plateforme d'échange pour les dirigeants de ces entités afin de s'engager à travailler sur l'approfondissement de la décentralisation dans cette communauté. Suivez à ce propos Martin Niteletse, ministre de l'Intérieur. L'association des gouvernements locaux de l'Afrique de l'Est, East African Local Government Association, IRGA en sigle, en partenariat avec SS Investment, l'association des communes du Burundi, ACO Burundi, le ministère des Affaires de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports, de la culture, le ministère de l'Intérieur, du développement communautaire et de la sécurité publique, organise le tout premier sommet des dirigeants des villes et gouvernements locaux prévu du 9 au 11 août 2023 à Bujumbura. Sous le thème principal, renforcer les partenariats avec les institutions décentralisées pour le programme d'intégration de la communauté d'Afrique de l'Est, promouvoir des villes et des gouvernements locaux durables et inclusifs. Le sommet réunira 500 participants des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est et au-delà. L'objectif principal du sommet est de fournir une plateforme de dialogue et d'échange pour les dirigeants des villes, des comtés et des gouvernements locaux à travers les États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est afin de s'engager à travailler avec la communauté et les gouvernements nationaux sur l'approfondissement de la décentralisation afin d'accélérer l'intégration régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est et le programme mondial de développement durable. Son Excellence le Président de la République du Burundi et Président du Sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est sera l'invité d'honneur et va s'adresser aux délégués le 10 août 2023, date de la commémoration de la journée africaine annuelle et de la décentralisation. Radio Isanganiro, chronique environnement. Dans la chronique environnement de ce vendredi, nous revenons sur la reproduction des poissons dans les eaux du lac, précisément sur la période de reproduction. Professeur Gaspard Nakimadi, enseignant d'université, expert environnementaliste, renseigne que la température joue un rôle important pour cette reproduction. Et pour savoir que le poisson a atteint la maturité, il faut qu'il soit en mesure de se reproduire, mais cela varie suivant les catégories. Plus de détails avec Léonce Vitalio. La température des eaux joue un rôle essentiel quant au rythme de reproduction des poissons. La reproduction se fait plusieurs fois dans le lac Tanganyika où les eaux affichent une température relativement constante et élevée, contrairement dans les pays où il fait froid. Professeur Gaspard Nakimazi, enseignant d'université, expert en environnement. Dans les pays européens où la température varie très fort, été, automne, printemps, où la température peut varier, donc par exemple de 0 degré à plus de 25 degrés, il y a des poissons qui sont posés à 5 degrés, d'autres à 10 degrés, d'autres à 12 degrés, d'autres à 15 degrés, d'autres à 20 ou même au-dessus de 20 degrés. Mm-hmm. Donc finalement, dans ces pays-là, ils vont donc ceux-là se reproduire une fois par an, suivant la température de la période. Quoi. Mm-hmm. Ici chez nous, la température dans l'eau ne varie pas beaucoup. Là. En tout cas, ici dans le lac Tanganyika, la température dans la partie supérieure du lac, elle est toujours au-dessus de 20 degrés, 22, même 23 à 26 degrés. C'est une température favorable à la reproduction toute l'année. Quoi. Il y a des poissons qui préfèrent se reproduire pendant la période pluvieuse et ce sont les plus nombreux, selon l'expert Gaspard Nakimazi, qui ajoute que c'est là où il y a plus de nourriture. Et pour atteindre la maturité, c'est encore variable selon la catégorie de poissons. Il y a des petits poissons qui ne vivent pas plus de 15 mois, hein, en cycle de vie quasiment annuel, donc entre 12 et 18 mois maximum. Quoi. Il y a d'autres qui vivent de 2, 3, 4, 5, 10, même 20 ans et plus, 30 ans. Alors ceux qui vivent, par exemple 5, 10 ans, il y en a qui atteignent l'âge de la maturité de la première reproduction de 3 ans. Les catégories de poissons influent également sur la vie. Il y en a qui vivent plus longtemps que d'autres. L'expert donne l'exemple d'Indagara qui, ayant atteint la maturité à quelques mois, ne vivent pas si longtemps. Par exemple, les Dagala qui, eux, ont un cycle de moins de 18 mois, eh bien, ceux-là, ils atteignent leur maturité vers 6 mois, 5-6 mois. Ils atteignent cette taille vers autour de 7-8 cm. Mais alors, ils vont encore grandir un peu jusque dans les 10-12 cm. Mais généralement, après 18 mois, nous, on ne les voit plus dans le lac. Ils ont été mangés, ils sont morts naturellement, ils ont été pêchés. Quoi. Et quant à la question de l'endroit propice pour les poissons, professeur Nakimazi dit que, comme tout être vivant, ils ont primordialement besoin de la présence d'oxygène. On y reviendra dans la prochaine chronique Environnement.